pas pour moi, c'est le peuple, quoi. Donc le peuple, peu importe qu'il soit dans les quartiers, qu'il soit dans les villages, qu'il soit dans les villes, qu'il soit dans les zones pavillonnaires dont on parle quasiment jamais, on ne sait pas trop si c'est la campagne ou si c'est la ville, où il y a plein de gens qui vivent là-bas, parce qu'on parle souvent des banlieues, des campagnes et des villes, mais il y a des choses entre tout ça quand même en France. Donc pour moi, forcément, oui, quartier populaire, je sais même pas trop exactement ce que ça veut dire en fait. Pour moi, c'est encore mettre des cases dans des endroits. C'est tout bête, mais moi j'aimerais bien faire de l'éducation populaire dans les quartiers populaires. Mais moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, et puis d'ailleurs, ça peut être quelque chose qu'on pourrait être amené à faire. Mais après, je pense qu'il faut justement de l'éducation populaire avant pour expliquer qui on est, pourquoi on vient et qu'est-ce qu'on voilà, de quoi on parle. Ah, tu as aussi un point info. Très vite, ok. Là, il y a la manif des Congolais, la diaspora congolaise qui manifeste contre Kabila qui arrive sur la place, si ça vous intéresse. Ok. Ouais, je crois que c'est quelque chose, ça fait un petit moment que ça traîne cette histoire, non? Parce que même en vacances, je les ai vus dans une autre ville de province. Ils étaient moins nombreux, mais... Donc du coup, voilà, ouais, quartier populaire. Donc, vas-y, si tu veux. Bah, moi, je pense qu'il faut pas trop en demander non plus trop à éducation populaire. Je pense qu'éducation populaire a déjà fait un travail extraordinaire depuis le début de Nuit Debout. Pour moi, c'est la meilleure commission de Nuit Debout parce que c'est celle qui a perpétué l'idée qui continue à faire venir des gens sur la place régulièrement. Mais par contre, c'est vrai que la question de éducation populaire, ça se passe beaucoup dans l'oralité. Dans la parole, où les gens prennent la parole. Et aujourd'hui, dans le système éducatif, on est beaucoup plus dans une approche de l'écrit et de la lecture. Et la parole, en fait, pour moi, n'a pas la place qu'elle devrait avoir. Alors que anciennement, dans l'éducation, notamment chez Aristote, par exemple, l'enseignement se faisait en marchant et en parlant. Alors qu'aujourd'hui, à l'école, on nous demande de s'asseoir et d'écrire. Et ça, pour moi, c'est gravissime. Pour moi, le problème de l'éducation populaire, c'est de redonner une place à l'oralité, parce que dans la vie quotidienne, on a beaucoup plus besoin de l'oralité que de l'écrit et de la lecture. C'est, voilà. Donc pour moi, si l'éducation populaire n'est peut-être pas suffisamment présente dans les quartiers populaires, c'est peut-être aussi à cause de l'école. Voilà, parce que justement, la distinction de soi par le discours, l'amour du dialogue, l'amour de la parole, de l'oralité, de la, voilà, ça c'est quelque chose aujourd'hui qui, pour moi, qui n'est pas suffisamment mis en avant. Ouais, c'est vrai que la parole dans les quartiers populaires, c'est très, la communication en fait, c'est très très très compliqué. Parce qu'on le sait tous plus ou moins, il y a un espèce de phénomène de bande, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais quand on discute avec les gens individuellement, on peut avoir une discussion plus ou moins constructive, par contre quand ils sont ensemble, ça commence à être un peu plus compliqué. Du coup, les quartiers populaires, c'est un grand, grand, grand débat, et on va peut-être pas faire ça là tout de suite maintenant, mais... Voilà, gros problème de communication pour moi et je sais pas trop quoi d'autre dire. Voilà, peut-être faire autre chose que des terrains de foot dans les quartiers populaires, ça pourrait être pas mal. Faire des bibliothèques, j'en sais rien. Je sais plus qui disait si on arrêtait de faire des terrains de foot et qu'on faisait des fusées ou je sais pas quoi, les jeunes ils voudront peut-être aller sur Mars. Enfin, c'était un truc assez rigolo dans une chanson. Je sais plus qui ça, et j'aimais beaucoup ce concept. Oui, donc vraiment que les. On s'étonne que c'est le modèle des joueurs de foot et qu'on met que des terrains de foot partout, donc en même temps, c'est pas étonnant qu'on veut devenir Benzema. c'est ça. Et d'ailleurs, il y a même Vikash de Rasso qui a parlé de ça en fait. Qui a parlé de ça justement. Il a dénoncé ça qu'on exploite en fait les joueurs comme ça, les jeunes des quartiers populaires. Justement, on les pousse à faire du foot, etc. Et en mettant de côté complètement l'activité scolaire, je veux dire, enfin peu importe leur niveau, hein, bon, il y a un niveau officiel qu'il faut avoir, mais il dénonçait un peu ça justement, que en fait on les pousse pour le foot, et clairement ça rentre dans le système encore du jeu, de l'argent, etc. Et on les pousse pour ça, et puis lui disait du coup que ces jeunes-là se retrouvent à 20 ans devoir représenter un pays, avoir un maillot de la France, et comme tu dis, après ils sont interviewés, mais enfin, le problème c'est qu'ils ont jamais vu autre chose que des ballons, quoi. Donc enfin, je fais une grosse généralité, ça dépend de chacun, etc. Mais c'est qu'en tout cas on les a pas poussés. Et ouais, dans la question, je pense qu'il y avait en fait un peu et pourquoi debout, enfin en fait oui, c'est debout éducation populaire, déplacez-vous, quoi. Je pense que c'est ça en fait, allez un peu dans les quartiers populaires et ne restez pas à Paris. Peut-être que c'était ça la question. Mais déjà ça, je te rejoins un peu en fait, dire qu'il y a des, enfin il y en a certains, bien sûr qu'il y a des quartiers populaires, moi je suis le premier à dire je suis dans un quartier populaire ou quoi, mais en fait ça veut déjà dire ça, ça veut déjà dire que il y a plusieurs peuples, parce que un quartier populaire c'est quoi, c'est là où il y a des gens qui habitent, enfin je veux dire donc tous les cas, enfin, je veux dire c'est quoi au bout d'un moment, donc ça veut dire qu'il y a deux, il y a plusieurs peuples, et donc voilà, moi ça c'est un peu flou tout ça, tu vois. Et moi, ça m'évoque, enfin, effectivement, cette envie que Nuit Debout s'exporte. Enfin, nous, on avait fait une rencontre à laquelle j'avais participé avec une classe de la Courneuve. On avait, Nuit Educpop Debout avait été contacté par un professeur de la Courneuve pour rencontrer des gens d'Educpop Debout et venir sur la place pour parler aux élèves de la Courneuve, justement, de Nuit Debout, de ce que c'est, etc. Et on l'avait fait du coup dans un jardin à côté de Bastille, et parce qu'en fait ils n'avaient pas eu l'autorisation de venir sur la place par l'école, et les élèves étaient super intéressés, super contents, ils posaient plein de questions, et on sentait qu'ils étaient très avides de pouvoir échanger sur ce qui se passe, que c'est, et c'est vrai que c'est dommage. Enfin après c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est toujours pareil quoi, faut du monde pour le mettre en œuvre, mais c'est évident qu'il y a un besoin d'échanges, enfin c'est simplement des échanges qui se passent pas que là, parce qu'il faut pouvoir venir là, quoi, c'est tout. Si je peux me permettre, après je te reprends le micro, moi je rêve en fait que ce soit des gens des soi-disant quartiers populaires qui créent de l'éducation populaire et qui fassent ce qu'on fait. Alors après il faut avoir les moyens. Moi ce qui m'embête, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est bête ce que je dis, mais j'ai pas envie non plus d'arriver genre en pays conquis, de vous avez vu, nous on fait ça, on est les plus beaux, les plus forts, les machins, et on va vous expliquer ce que c'est la vie. Après on peut les aider, on peut les accompagner, mais il faut le faire dans une certaine humilité, et il faut aussi que eux ils essayent, même si c'est un peu bancal, et peut-être au début ça va partir dans tous les sens, et après ils vont prendre le truc, mais c'est peut-être un rêve, hein, j'en sais rien. Ouais, mais humilité, là, le principe d'Educpop Debout, enfin moi ce que j'en ai compris, que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est une boîte, c'est un dispositif. C'est pas effectivement, on n'est pas censé, enfin, c'est rien d'autre à la base qu'un dispositif avec quelques principes généraux, un micro pour pouvoir s'exprimer et des gens qui doivent être là et qui puissent parler et échanger ensemble. Mais c'est tout. Après, il y a rien. La boîte n'est pas pré-remplie. Elle est remplie uniquement par les gens et ce qu'ils vont en faire de ce dispositif. Mais le dispositif, il est pas très compliqué. C'est 4 cordes. 4 panneaux et effectivement des principes qui c'est le partage des savoirs, c'est respecter la parole de l'autre, mais c'est des principes que tout le monde peut appliquer. C'est juste après savoir que ça peut exister en fait. Effectivement, quand on l'a jamais vu, on sait même pas que ce type de dispositif peut exister en fait. C'est tout. Je suis d'accord, c'est très copiable comme format. Enfin, c'est voilà, n'importe qui peut le refaire. Ouais. Oui, je veux dire un peu la même chose, dans le sens où dans l'éducation populaire, c'est important qu'il y ait une demande. Et par rapport à l'école, hein, à l'école, c'est le professeur qui fait les questions. Alors, il a un programme, il a des questions, et puis si les élèves ont envie d'étudier autre chose, ben tant pis pour leur gueule, ils auront zéro. Et c'est un système complètement différent, et c'est important que quelqu'un réfléchisse, c'est-à-dire, mais moi, qu'est-ce que j'ai comme problème? Qu'est-ce que j'ai envie de savoir maintenant? pas dans 10 ans, pas à attendre le programme, pas à attendre le professeur, dire moi je veux savoir ça maintenant. Et c'est dans ce sens-là que l'éducation est populaire. Et ça c'est partout. Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par rapport justement à... Alors j'en reviens encore une fois à la dénonciation de l'écrit et la mise en valeur de l'oral, c'est que les personnes des quartiers populaires ont besoin justement de personnes qui parlent entre guillemets leur langue, enfin dans le sens qui soient à leur écoute, qui soient empathiques avec eux et qui soient capables d'avoir un discours qui leur ressemble. Alors que si c'est des gens d'autres quartiers qui vont aller là-bas, ça peut être perçu comme une forme de paternalisme. Et puis je rejoins ce qui a été dit aussi, dans le sens où Nuit Debout n'est porteur d'aucune révélation. C'est simplement un dispositif que tout le monde peut s'approprier. Et puis enfin, par rapport à l'exemple qui avait été donné sur la Courneuve, où j'ai l'impression en fait que les autorités publiques, au lieu d'aider, entre guillemets, Nuit Debout, de financer, de subventionner l'éducation populaire, de donner des moyens à la hauteur de ceux qui donnent au football, par exemple, quand on voit les infrastructures, tout ce qui est mis en place pour le football, et vraisemblablement ce qui n'est pas fait, par exemple, pour l'éducation populaire, alors que l'incarnation des fameuses valeurs de la République, mais pour moi, c'est ça, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est éducation pape est une pure incarnation de cela. Et on devrait voir aujourd'hui la mairie de Paris venir vous donner quasiment une médaille, quoi. Et vous financer, pour moi. Alors que c'est pas le cas. Donc ça explique aussi pourquoi, EducPop n'a pas pu, justement, s'étendre comme, normalement, il aurait dû s'étendre. Ouais, alors juste sur les subventions de l'éducation populaire, il y en a, l'éducation populaire est institutionnelle, elle est énormément subventionnée. Non, l'éducation populaire, il y en a, toutes les MJC par exemple se revendiquent d'éducation populaire. Il y a tous les appels d'offres aujourd'hui dans ce qui est fait dans les quartiers politiques de la ville doivent répondre à des impératifs d'éducation populaire. Il y a énormément d'argent investi là-dessus. Sauf que, est-ce que c'est vraiment de l'éducation populaire? C'est là où on peut se poser la question et c'est pour ça qu'il y a le colloque à Arras là qui justement va se faire en novembre. Qui est organisé par une association d'éducation populaire qui dit justement, qui dénonce le fait qu'il y a énormément d'acteurs qui se revendiquent de l'éducation populaire mais qui n'en font pas parce que c'est trop institutionnalisé avec une compétition inter-association pour récolter des fonds et pour récolter des fonds, bah faut rentrer dans la norme parce que sinon on n'a pas les fonds quoi. Au revoir. Merci pour ton aide de la journée. ouais, d'ailleurs, du coup, ça m'a fait... Ah, pardon, alors je te passe la parole après, mais ça m'a fait penser à... Bon, un jour, il faudra vraiment que je fasse une intervention sur l'éducation populaire de Franck Lepage. Bon, c'est selon un point de vue, hein, du coup, c'est la sienne, hein, c'est pas... Mais en tout cas, enfin, c'est pas selon son éducation populaire, mais il raconte l'histoire de l'éducation populaire. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a des, comme il disait, des éducations populaires qui sont financées. Parce que ça, en fait, c'est un truc qu'on a gagné dans l'histoire, donc on avait réussi à imposer ça, donc ce terme, éducation populaire, et cette forme, sauf qu'elle a très très vite été détournée pour absolument pas faire de l'éducation populaire, donc du coup c'est pour ça que c'est un peu flou aujourd'hui quand on peut voir, des gens, je comprends, il y a beaucoup de gens qui peuvent arriver, il y a éducation populaire, oh non mais ça, on voit ce que c'est, les trucs, et voilà, mais du coup, enfin après, si on doit parler du pop, c'est un choix de justement pour dire non, la vraie éducation populaire c'est ça, et c'est pas ce qu'on vous vend depuis 60 ans, voilà, bref. Oui, la dame qui a parlé, là, elle est partie ou pas? Elle est où? Pardon? Ah ouais, d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit aussi, tout ce qui se passe ici, c'est très simple. Je vous rappelle que c'est 6 mois de bagarre au milieu des gaz lacrymogènes et de la police, et que ça, c'est pas tombé du ciel tout seul. Et que d'autre part, l'éducation populaire officielle, elle est subventionnée, mais elle donne pas de résultats comme beaucoup de secteurs. Et nous, on n'est aucunement subventionnés, et on a un nouveau public. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ça peut être contagieux, et c'est aussi ça peut être contagieux aussi par les enseignants. Je sais pas s'il y a beaucoup d'enseignants sur la place de la République. T'es enseignant dans quel secteur? Non, mais tous les secteurs. Non, mais t'es pas dans l'école maternelle. Ça commence à la maternelle. Non, mais ici, tu as beaucoup d'universitaires. Hein. puisqu'il y a eu une enquête, il y a 60% des effectifs qui sont bac plus 18, enfin un peu moins. Mais par contre, les profs ou les instits, je crois que je n'ai pas encore rencontré un ici. Je peux aussi, si, alors je te confirme qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a, mais, et pour, alors, le, je connais peut-être que les bons, c'est pas objectif, mais les ceux que je connais en plus sont vraiment pour une éducation populaire et comme tu dis, des petits, etc. Mais, En fait, je voulais pas prendre la parole, c'était juste pour dire que je suis enseignante dans le secondaire. Du coup, je vais parler un peu. J'essaye dans mes classes d'écouter mes élèves, d'être dans l'empathie. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas dans l'empathie, ben ils peuvent pas apprendre en fait. C'est prouvé maintenant scientifiquement. Alors on s'appuie sur des travaux, etc. Alors que ça paraît évident. Il faut être dans l'empathie et on a une marge de manœuvre, mais qui est très très étroite finalement, parce qu'on a quand même un programme à respecter, le fameux programme. On doit préparer nos élèves au bac, parce que je suis au lycée. Donc je suis en train de me dépatouiller un peu avec tout ça et j'essaie de trouver des solutions. Je lis, je parle avec les gens et voilà, c'est de l'expérience et on apprend en faisant quoi. Voilà. Mais en tout cas, d'être prof, c'est super parce qu'on peut. C'est-à-dire que nos élèves en fait, ils absorbent beaucoup de choses. Et on a un impact vraiment fort sur eux, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi de pas du tout être dans l'agressivité avec eux, parce qu'il suffit d'une fois avec un prof, et ça peut vraiment être difficile après pour eux, enfin ça dépend de leur caractère, mais donc c'est pour ça qu'il faut, il faut les considérer comme ils sont, quoi, c'est des êtres humains, et voilà, donc c'est, enfin, voilà. Ouais, mais encore plus aujourd'hui, en fait, enfin, ouais, j'ai pas... quelqu'un d'autre veut réagir ? Hello. C'est de répondre à. J'avais un. Ça me fait penser à quelque chose que t'as dit. Je sais plus. C'est quelqu'un. Le thème, c'est musique politique ou pas encore ? Ok. D'accord. Bah alors, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, donc je suis également prof. Mais bon, faut pas nous réduire à ça. Il faut pas nous réduire à un bac plus quelque chose ou à ce qu'on fait. Mais effectivement, l'impact qu'un prof peut avoir sur des étudiants, c'est énorme. Bah, c'est entre autres pour ça que je suis devenu prof. On rencontre les profs, c'est aussi comme les flics. Hein, il en suffit d'un mauvais pour avoir une influence, énorme sur la corporation ou sur ceux qui sont là. Le jeune homme, tu peux rester à côté de moi, il n'y a pas de problème. Et donc, l'éducation telle qu'on l'entend dans le secondaire, moi, ça me fait penser à quelque chose. Donc je vais parler de moi deux secondes, mais j'étais au lycée pas loin d'ici, dans un lycée pas super, et le taux de réussite au bac, l'année où je l'ai eu, c'était 50%, 50%, 53%, et dans pas mal de lycées parisiens, c'est 100%, tout ça, donc lorsqu'on est aussi dans la difficulté, on peut se battre contre le déterminisme, on n'est pas dans la merde, mauvais départ ne veut pas dire arrivée foireuse, et ça c'est une chanson aussi, c'est une chanson de Fab, et c'est aussi l'éducation populaire, l'enseignement et le rap français. Donc quand on part avec des handicaps, moi ça a été mes handicaps qui m'ont permis de faire tout ce que je fais et ce que je vais faire demain. Parce que lorsqu'on parle du premier premier contrôle d'identité, je sais pas à quel âge vous l'avez eu, je l'ai eu à 13 ans, j'étais seul, je faisais rien. Donc il y a des choses qui permettent d'avoir un blueprint, un pattern, un mode de pensée et par exemple qui m'a construit contre l'État d'une manière globale parce que je voyais que être différent dans ce pays c'est un handicap. Donc je me suis servi de ce handicap pour avancer et pour me dire que moi d'être encore une fois comme le dirait Kerry James, deux fois plus qualifié, deux fois plus motivé, deux fois plus attentif et c'est comme ça qu'on s'en sort. Donc t'as quelque chose à dire jeune homme ou pas ? D'intéressant ou pas ? Alors bonjour à tous, je suis prof. Non, t'es pas prof, mais il est là et on est là. Merci. Ça me faisait penser. En fait, pour moi, il y a toujours un espace, il vous reste toujours un espace quand même aux enseignants, même malgré tout ce qui est dur. Hein, c'est de plus en plus ça que je veux dire, c'est de plus en plus dur aujourd'hui, j'imagine, mais je pense qu'il vous reste toujours un espace de liberté, en fait. Vous pouvez toujours un peu faire à votre manière, quoi. Et du coup, je compte beaucoup sur les enseignants pour la révolution, en fait, de l'intérieur. Oui, moi je pense que le Nuit Debout est un phénomène culturel et qui a inventé son lieu avec une forme. Et je pense qu'il est très difficile, l'enseignement délivre un contenu. Et le contenu qui est délivré par l'enseignement, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas... est inconnu, il est connu de l'univers de l'université et de l'école, mais cet enseignement ignore le contenu de Nuit Debout. Nuit Debout amène un contenu à une relation enseignant-enseigné qui est totalement nouvelle et qui concerne l'incertitude. L'enseignement français travaille dans la certitude et ne ignore l'incertitude. Et nous, on est dans l'incertitude pratiquée. Ça s'appelle Edgar Morin. Et Edgar Morin, même à l'université, on ne connaît pas Edgar Morin. Merci. Et du coup, y a d'autres réactions ou, du coup, on est à la demi, on peut changer de question au pire ou... On fait ça? Ou non? On sait jamais. Vous voulez réagir? Voilà. Je ne veux surtout pas enlever les réactions. Merci. Oui, bonjour à vous tous. Il y a eu, toujours parlant de l'enseignement, il y a eu la démarche des ZEP, où on a mis beaucoup d'argent et malheureusement, pas obtenir beaucoup de choses. L'une des premières conditions, me semble-t-il, pour les ZEP, c'est déjà réduire les effectifs de classe. Pas plus de 20 enfants par classe pour qu'on puisse obtenir un résultat. Et les meilleurs enseignants, les plus, j'allais dire un mot, ils sont tous pédagogues, mais en tout cas, c'est une forme d'acerdoce de se diriger vers les quartiers difficiles, excusez-moi, pour pouvoir faire un travail en profondeur et pouvoir recueillir après les fruits de cet effort. Malheureusement, ça a été un échec, les ZEP, peut-être pas totalement, mais en grande partie. Et aujourd'hui, le rôle de l'enseignement, de l'enseignant, on a besoin de pratiquement tout refaire. La formation de l'enseignant, avec une ouverture beaucoup plus grande sur la diversité que représentent les élèves en France, la diversité culturelle, la diversité de toutes sortes, il y a un challenge extraordinaire pour l'enseignement. Pour dépoussiérer ces programmes qui sont, je dirais un mot fort, qui sont souvent bâtis sur une sorte de mythe et qui n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est à l'avenir qu'on doit pouvoir penser à ça. Et c'est de là que, très jeunes, les enfants seront amenés à avoir une pensée de citoyens et citoyennes dans leur rôle de la société pour qu'il y ait un partage, une vision de vivre ensemble avec nos différences, nos différents, et dans un avenir, je pense qu'il sera meilleur. Le rôle des enseignants, effectivement, est un rôle, un projet tout à fait important. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ouais. Alors moi, j'étais très intéressé par l'intervention tout à l'heure de l'enseignante quand elle a parlé d'études scientifiques qui démontraient que l'affectivité auprès des élèves était une nécessité pour... L'empathie était une nécessité pour la transmission des savoirs, hein, pour le travail d'enseignant. Et ça confirme un petit peu finalement l'approche platonicienne de l'enseignement dans le Phèdre, dans lequel Platon explique justement, par le biais de Socrate, que le rapport de maître à élève, en fait, doit être un rapport d'amour. Pas d'amour dans le sens d'éros, mais d'amour dans le sens large, où le maître doit, en quelque sorte, aimer son élève. Et de cette façon-là, disons que l'enseignement va parfaitement bien se passer. Et Platon condamne aussi l'écriture. C'est-à-dire que pour lui, ça ne serait même pas des classes de 20 élèves. Platon considère qu'il ne peut pas y avoir d'éducation de masse. Ça n'est pas possible. Parce que l'écriture est morte alors que la parole est vivante. Et que l'enseignement est quelque chose de vivant. Que le savoir est vivant, est présent. Et donc à partir de là, moi je serais même partisan quasiment d'une personnalisation de l'enseignement. Où chaque élève a besoin d'un maître qui est en empathie avec lui et qui lui transmet des savoirs, qui lui donne l'amour du savoir, qui l'élève, etc. Donc voilà, alors que là, l'école aujourd'hui, je me réfère aux travaux de Michel Foucault, qui pour lui, l'école est une... en fait, c'est à l'image de la prison, quoi. On est dans l'enfermement, dans la surveillance, le punir, etc. Et moi, je pense qu'il faut complètement réinventer tout ça, remettre de l'affectif et remettre justement cette question aussi de l'oralité. Merci. Très intéressant. En fait, je suis assez d'accord sur l'oralité, enfin leur apprendre à s'exprimer, et c'est très important. Mais quand même, ça me gêne d'écarter complètement l'écrit. Pourquoi ? Parce que j'imagine que quand on écrit, on développe un peu plus notre pensée, notre réflexion, et du coup, ça leur permet d'aller plus loin dans leur réflexion que juste d'être à l'oral. Mais après, je rejoins ce que tu dis. Bon, l'empathie, l'affectif, c'est la frontière est mince, quoi. Je sais pas trop encore, mais ouais. Et sur la ZEP, le respect, oui. Après, sur les ZEP, je suis pas sûre que ce soit réellement un échec. Enfin, en tout cas, moi, je suis dans un lycée qui est classé violence. Alors déjà, l'appellation violence, je trouve ça scandaleux. Quand on regarde, en fait. Il y a énormément de lycées en banlieue qui sont classés violence. Alors déjà, c'est génial. Donc tu mets ton enfant dans un lycée violent. Bon, il n'y a rien de violent dans mon lycée. Pourquoi ? Parce que déjà, les effectifs ne sont pas énormes. Parce qu'on a eu cette subvention-là. Voilà. Donc grâce aux subventions, on a des effectifs réduits. Et il y a beaucoup de projets qui sont mis en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes enseignants dans les ZEP. Donc on arrive, on est frais, on a plein d'espoir. Et voilà. Et en fait, je veux pas réduire ça non plus à l'âge, parce qu'il y a des profs plus anciens et qui sont encore très motivés, des jeunes qui sont pas motivés. Donc en fait, je crois pas que ce soit réellement l'âge qui joue. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, la ZEP, je suis pas sûr que ce soit complètement un échec. Oui, d'ailleurs, ils veulent même en retirer, je crois. Donc, ils en retirent. Dès qu'ils peuvent, donc c'est peut-être une preuve que c'est pas si un échec que ça aussi. Enfin, je sais pas, peut-être inversement, tu vois. Parce qu'ils veulent pas en fait avoir des villes remplies de ZEP, ouais, parce que ça c'est pas bien. Voilà. D'autres réactions sur. Ouais. Sur l'empathie, il y a ce qu'on a. Donc c'est pas très connu, hein, mais je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. On appelle. Il y a différentes formes d'intelligence, et il y a une intelligence qu'on appelle une intelligence émotionnelle. Et c'est cette intelligence émotionnelle qui aujourd'hui est étudiée hein, par des scientifiques, par des philosophes, des psychologues, tout ce qu'on veut, qui est mise en avant. Donc l'intelligence émotionnelle, vous allez sur Google, ça sera défini bien mieux que moi, mais c'est pouvoir se mettre à la place de l'autre pour qu'il puisse nous comprendre. Hein. Donc on a besoin de le comprendre pour qu'il puisse nous comprendre. Et effectivement, si on est prof et qu'on n'a pas cette intelligence émotionnelle-là, bah, on peut rien transmettre. On peut rien transmettre, voilà. Merci. Est-ce qu'on continue sur cette question ou on peut en poser une autre, du coup, si vous voulez ? Oui, moi je prends ça pour un oui. Hein. Allez. Une petite pièce ? Non. Non, c'est des idées. On pose des questions. Du coup, je peux te faire tirer une question au hasard. Si tu veux la poser aussi. Si c'est lisible. Oula. Ça va être droit universel des droits de l'homme, un truc comme ça. Ah, ok. Alors, on va essayer de traduire. Article 19 des droits universels des droits de l'homme est-il toujours valable en France, Europe ? Statut légal de la retenue ? Garde à vue ? Oui. Et droit à l'image, objectif, téléphone, photo. En fait, alors quand on en a plusieurs comme ça, en général, on en choisit un parce que on va pas réussir à répondre aux trois, je pense. Du coup, le stat- tue. Alors la garde à vue, l'article 19, mais je ne sais pas ce que c'est l'article 19 personnellement, des droits universels des droits de l'homme, si quelqu'un sait ce que c'est. Voilà. Et sinon, le droit à l'image. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur un des trois sujets en fait? Et si on réagit sur un des trois sujets, on partira sur celui-là. Il y a le droit à l'image, la garde à vue, ou l'article 19 des droits de l'homme, que je ne sais pas. Non, pas de réaction sur non. Bon, sinon on en prend une autre. Hein. Voilà. Mais t'as que des multiples questions. Deux hommes mariés peuvent-ils adopter 1000 enfants? Les hôpitaux qui piquent des tonnes de sang sont-ils des vampires? Les nazis ont-ils gagné la Deuxième Guerre mondiale? C'est la boîte à questions, hein. on a tout. Je sais pas. Si non. Enfin, c'est peut-être une blague. L'obtention des droits dans les structures d'accueil assurant les suivis de personnes au RSA. L'obtention des droits ou pas dans les structures d'accueil assurant les suivis de personnes au RSA. Mauvais diagnostic et mauvaise description. La machine a créé encore un peu plus d'exclusion. Qu'en est-il de nos droits quand ils ne sont pas proposés? Donc, qu'en est-il de nos droits quand ils ne sont pas proposés? Et j'ai pas compris le début. C'était l'obtention des droits dans les structures d'accueil assurant les suivis de personnes au RSA. Mauvais diagnostic et mauvaise description. La machine a créé encore un peu plus d'exclusion. D'accord, ok. Alors justement, moi je voyais ça structure, j'entendais comme structure administrative justement qui vont me permettre de donner le RSA, mais peut-être que c'est aussi ça, je sais pas. Si n'hésitez pas à réagir, c'est on peut commencer avec n'importe quelle idée. Sur En fait non, je sais pas. Ouais. T'as le droit aussi de pas. Non mais si je reprends le début en tout cas de cette question qui est longue, mais l'obtention des droits dans les structures d'accueil assurant les suivis de personnes au RSA. Ici sur la place on parle souvent donc de comment les gens peuvent s'en sortir avec des revenus qui sont faibles, et on parle aussi beaucoup donc de revenus universels, de revenus à vie. Donc pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, il y a différentes écoles hein, sur ce sujet là mais il y a beaucoup d'hommes politiques, d'hommes et femmes politiques aujourd'hui qui en parlent à droite comme à gauche, des communistes comme des libéraux. Donc pouvoir donner un revenu à vie sans condition à tous les citoyens français. Après il faut voir ce que c'est qu'un citoyen français. Donc en tout cas sortir de celui-là il touche le RSA et parler montrer du doigt des gens qui toucheraient des aides que d'autres ne toucheraient pas, si c'est quelque chose d'universel que tout le monde touche et sans condition. Ouais, c'est intéressant que tu ramènes la question sur ce sujet-là. Ouais. Du coup, je pense qu'on peut. Il y a de quoi débattre. Moi, personnellement, sur le salaire à vie, enfin, je sais pas par où commencer, mais déjà, il y a salaire à vie, revenu de base, ce qui est très différent. Mais bon, ça ouvre tout, pour moi toujours un autre débat qui fait qu'on serait lié à ça. Enfin, on serait défini par ça, en fait. Et ce qui me gêne. Après, il y a plein de points positifs aussi où. Donc je suis vraiment entre les deux, mais bon, moi ça me laisse assez perplexe en fait. J'ai quand même l'impression qu'on me paye pour que je ferme ma gueule. Voilà, pour vraiment grossir. Mais c'est un point de vue. Hein. J'ai aussi un point de vue où je veux dire, c'est d'un côté c'est très bien parce que ça va être hyper libérateur pour moi. Moi par exemple, si demain ils décident de me donner 1000 même 800 euros, je vais faire que la révolution tous les jours. Donc c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée pour le coup pour moi, mais je crois pas qu'on soit tous dans ce cas-là aussi. Donc c'est ça qui m'inquiète en fait. Moi par rapport à la question de la libération et du revenu de base, moi au quotidien en fait je vis l'actualité comme une forme de néo-esclavage. C'est comme ça que je le vis. Bon, dans le sens où pour moi on est toujours dans un système esclavagiste qui est voilé par un système du salariat. Et que, pour moi, je vis ça comme le patron. Bon, là, je caricaturise un petit peu. Et l'idée pour moi aujourd'hui, c'est qu'on sait, par des études, qu'on pourrait mettre en place le revenu universel. C'est possible. Les économistes nous disent que c'est possible. On peut le mettre en place. C'est juste une question de volonté politique et d'acceptation, de partage des richesses. Et le fait de savoir qu'aujourd'hui, alors qu'on est en quelque sorte obligé de travailler pour avoir un salaire, qu'on pourrait mettre en place ce revenu universel et qu'on ne le fait pas, du coup, pour moi, c'est l'enjeu de la civilisation actuelle. C'est-à-dire que le jour où cette chose-là sera mise en place, pour moi, ce sera l'équivalent de la fin de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y aura un nouveau bond qualitatif dans l'humanité où on sera libéré du salariat. Et donc, moi, c'est comme ça que je perçois le revenu universel, comme une forme de libération du néo-esclavagisme, hein, pour être un peu caricatural. Ouais, le revenu de base, en fait, dimanche dernier, c'était le thème de Jury Citoyen. Et Jury Citoyen, donc, ils avaient invité des gens qui militaient pour le revenu de base. Et en fait, ils refont vraiment entre guillemets, un peu comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un jury qui se met à part et qui bosse sur la question. Ils sont restés très longtemps sur cette question. Je suis pas sûr qu'ils aient trouvé un consensus sur cette question. Et vraiment, ce qui faisait vraiment polémique, et c'est qu'en fait, le revenu de base, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à consommer plus, mais consommer de la merde, du Made in China, ou tout ce que les autres ont et qui est pourri et qu'il faut, il faut sortir de tout ça? Ou est-ce qu'effectivement c'est une espèce d'égalité? Mais alors, si tu fais un revenu de base, pourquoi tu fais pas un revenu plafonné au-dessus, quoi? Et pour moi, en fait, le revenu de base, c'est une goutte dans un océan de, en fait, il faut complètement détruire le système. Donc pour moi, c'est soit tu changes tout, soit tu mets pas un pansement sur le système. Et le pansement, pour moi, ça serait le revenu de base. Mais après, c'est peut-être mon côté anard ou révolutionnaire. Bonjour, moi-même, je voudrais réagir. Ouais, le câble est un peu court. Parce que moi-même, je suis patron, en fait. Je suis employeur et je voudrais réagir à vous, monsieur, en fait. Autant je suis d'accord pour le revenu de base et je suis d'accord avec vous comme quoi le revenu de base ne devrait pas servir juste à consommer du bas de gamme et du Made in China, etc. Autant tous les patrons, en fait, ne sont pas des salauds esclavagistes, parce que moi, j'ai trois salariés. Bon, j'ai une petite boîte assez modeste, mais je paye bien mes employés, je m'entends très bien avec mes employés. Donc je pense qu'il faudrait ne pas confondre les deux et ne pas faire des clichés sur les employeurs qu'on appelle patron ici. Je voudrais juste rappeler ça ici. Et, pardon. Par contre, je suis toujours vraiment d'accord avec ce que vous dites par rapport aux revenus de base, etc. Tout simplement, ne pas confondre les deux. Oui, je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu, d'ailleurs je l'ai précisé, je caricature un peu, parce que effectivement, moi j'ai pas une approche du patron essentialiste. Pour moi, le patron n'est pas par essence un esclavagiste. Mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, dans la société où nous vivons, et dans l'expérience que moi j'ai, le patron idéal, pour moi, ce serait un patron qui aurait trouvé l'équilibre entre le bien-être des salariés et la performance de l'entreprise. Et aujourd'hui, ce que moi je constate sur le terrain, dans le réel, dans ma réalité à moi, qui n'est peut-être pas la même que la vôtre, c'est que on demande davantage au patron d'être attentif, à la production qu'au bien-être des salariés. Et donc, du coup, on va nous demander tout le temps de faire plus d'efforts, d'aller plus vite, de travailler avec moins de personnel, de travailler plus pour pouvoir être plus performant. Et donc, du coup, le bien-être des salariés est réduit au profit de la productivité. Et donc ça produit justement des cadres ou des dirigeants qui vont du coup se comporter pas comme des esclavagistes, encore une fois j'exagère, mais qui vont exercer une sorte de violence, une violence sociale à l'égard des salariés. Et moi je vis ça comme, je caricature encore, comme une forme de néo-esclavagisme, dans le sens où on est obligé de subir cette violence sociale pour pouvoir avoir un salaire et pour faire vivre sa famille. Et donc pour se libérer de ça, le seul truc concret aujourd'hui qui se présente, c'est le revenu universel. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, en aucun cas j'essentialise le patron comme étant quelqu'un par essence de mauvais, pas du tout. Hein, je suis humaniste, je crois en l'égalité de la dignité humaine et en aucun cas, c'est ce que je voulais dire. Ouais, moi ce que j'entends c'est un peu que le demandeur d'emploi en tout cas, à un moment donné il peut se sentir esclave du système de toute façon, enfin c'est ça. Et après effectivement s'il a la chance de trouver un bon patron, nickel, c'est ça en fait, hein, mais c'est tout ce qu'il demande. Mais et en fait sur le revenu de base et le salaire à vie, moi ce qui m'inquiète après c'est mon avis personnel, hein, mais tout simplement c'est que il y a beaucoup de personnes politiques etc. qui l'ont repris, et il y en a pas mal qui prévoient de nous en parler peut-être, alors je sais pas parce que je pense qu'ils vont nous en parler pour 2017. Je sais pas encore si voilà, bon, vous pouvez confirmer, mais donc en fait pour moi c'est pas bon signe, tout simplement. C'est pour moi si enfin après c'est mon avis, hein, mais si des parties de tout bord vont proposer cette idée là, c'est que ça les arrange eux, pas nous. Enfin après c'est mon avis. Hein. Je suis d'accord avec vous pour dire que la seule solution qui se présente à l'heure d'aujourd'hui pour que tout le monde ait un revenu décent, c'est le revenu de base. Encore faudrait-il définir de combien il est, etc. Mais moi, je suis peut-être idéaliste, mais j'aimerais dire que en fait, l'idéal, c'est le plein emploi. Non pas le revenu de base, mais le plein emploi. Dans ce cas-là, avec des salariés qui sont effectivement mieux considérés, en disant que effectivement, si on licencie un salarié, on pourrait pas en retrouver un pas cher à côté, etc. Je préférerais militer pour le plein emploi, avec évidemment des bons salaires et des bonnes conditions de travail, plutôt que le revenu de base. Même si effectivement, la solution aujourd'hui la plus simple est apparemment le revenu de base. Alors, là par contre, je serais pas d'accord avec vous. Moi, c'est du plein emploi. Pourquoi est-ce que l'emploi en soi serait une valeur ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas vivre sans travailler ? Donc pour moi, déjà, l'idée d'un idéal du plein emploi, moi, j'y adhère pas. Bon. Ensuite, encore une fois, le réel nous dit qu'on va vers une société où il y aura de moins en moins d'emplois à cause de l'ubérisation, la numérisation, l'informatisation, l'automatisation, etc., l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc de facto, il y aura de moins en moins d'emplois. Donc l'idéal que vous défendez est malheureusement une utopie. Donc il faut, à mon avis, faire avec le réel, et le réel nous dit que, ben non, c'est un idéal malheureusement inaccessible. Et sur la question du revenu de base, effectivement, quand on dit revenu de base, là on parle de généralité, mais il y a plusieurs revenus de base. On pourrait dire un revenu de base de gauche, un revenu de base de droite. Alors moi, pour ma part, en tout cas, je défends un revenu de base de gauche, qui est clairement du côté du salarié, du bien-être des salariés, et en aucun cas un revenu de base de droite qui effectivement défend le cauchemar que nous a présenté tout à l'heure Sylvain. Ouais. Juste, je repasse la parole, mais ouais, enfin, j'étais assez d'accord, mais sur comment dire que j'ai perdu le fil. Non, on est d'accord sur le revenu de base, comme quoi ça doit pas être un revenu RSA tel qu'il est actuellement, mais un revenu un peu plus élevé et un revenu décent. Quand je parlais du plein emploi, je pense qu'en fait, il peut être réalisable si on, par exemple, on abaisse le temps du travail de 35 heures. Bon, après, il faudrait calculer de combien il devrait être. Mais dans ce cas-là, il pourrait être possible. Et dans ce cas-là aussi, le travail ne serait pas seulement une obligation, mais pourrait être aussi une sorte d'épanouissement dans sa vie. Et dans ce cas-là, je pense que ce serait possible. D'accord. Effectivement, avec le partage du travail, pourquoi pas ? Parce que c'est là où j'allais aller, le plein emploi, malheureusement. Aujourd'hui, ouais, dans les conditions, mais effectivement, avec un partage, etc. Ouais. Bonjour, moi je voulais dire que le revenu de base, c'est peut-être une façon autrement d'exister autrement, c'est-à-dire de plus travailler, parce que moi ça fait 35 ans, je suis éducatrice spécialisée, ça fait 35 ans que je travaille, et là franchement j'en ai un peu assez parce que j'ai des conditions de travail qui se dégradent, parce que dans le social en fait c'est devenu, les enfants c'est... Avant j'avais 4 enfants à m'occuper, maintenant j'ai 6 enfants, je travaille en ITEP, c'est des conditions de vie difficiles. Et moi si j'avais le revenu de base, j'ai passé 4 semaines à Notre-Dame-des-Landes, c'est peut-être ça, mais je vivrais autrement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi aussi. Là je pense qu'on tombe tout à fait d'accord, je rejoindrai d'ailleurs l'idée de Sylvain du départ qui a parlé de plafonnement des revenus. Pour moi en fait le revenu de base en soi ne suffit pas. Pour moi, je vois un triptyque. Il faut le revenu de base, plus le plafonnement des revenus, plus la réduction du temps de travail. Voilà. Moi, je pense que s'il y avait ces trois éléments-là, ça pourrait produire, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Et peut-être un quatrième élément, le choix, des choix de société sur quel travail est-ce qu'on veut des gens qui s'occupent de nettoyer tout ce qu'on a salopé, ou est-ce qu'on veut du travail pour vendre, pour surproduire. Donc peut-être un petit quatrième élément. D'autres réactions, ouais. Je suis pour le revenu de base, je suis pas forcément pour le plafonnement des salaires et pour les trois autres points. Mais voilà, lorsque tu disais que le revenu de base, il y en avait à gauche et à droite, et que c'est mauvais signe si tout le monde, en tout cas que c'est mauvais signe si tout le monde va dans ce sens-là, parce qu'ils ont des définitions différentes de ce que c'est que le revenu de base et des chiffres différents. Donc c'est pour ça qu'ils se rejoignent tous. Mais lorsqu'on arrivera concrètement à définir ce qu'il y a dans le revenu de base, à qui ça s'applique, est-ce qu'il y a une contrepartie ou pas, le débat va s'affiner et là on verra plus ce qu'il en est. Et je suis pas non plus d'accord avec la réduction de temps de travail. Le travail, c'est pas un gâteau qu'on se partage, c'est mon point de vue, enfin c'est le point de vue d'autres aussi, mais c'est pas en baissant le nombre d'heures de travail que forcément on va diminuer le chômage. Et c'est souvent, de mon point de vue encore, des jugements de valeur lorsqu'on s'interroge sur le travail des gens, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Le revenu de base, ça sert à avoir un minimum de quoi vivre. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'on n'a pas d'argent, on a 800 euros. Et 800 euros, ça va quasiment tout dans la consommation. Donc c'est bien pour l'économie du pays. Ensuite, j'ai dit 800 parce que c'est un chiffre qu'on entend. Il y a 600, il y a 800, il y a 1200. J'ai pris 800. Et il y a 1500, mais il y a même 5000, il n'y a aucun problème. Je finis et puis je vous passe le micro. Donc le revenu de base, ça permet à celui qui veut faire la révolution de faire la révolution, à celui qui veut fumer des pétards toute la journée de fumer des pétards, à celui qui veut devenir universitaire de devenir universitaire, sans avoir à porter de jugement sur ce qu'il va devenir. Juste sur le revenu de base, il y a des revenus de base, il y en a je sais pas combien, il y a plus d'une douzaine qui sont différents les uns des autres. Il y a des revenus de base de droite, des revenus de base de gauche, des revenus de base où on dit tiens, on va supprimer toutes les allocs, machin, on va mettre les revenus de base à la place, etc., etc. Après, ça pose des problèmes de la consommation. Si c'est pour consommer pareil encore plus, ça changera pas grand chose, etc., etc. Après, il y a le salaire à vie, qui est encore une chose complètement différente, où là, on redéfinit qu'il y a une autre façon de voir la société. Et encore, c'est pas, tout ça, c'est pareil, les revenus de base, et ils parlent jamais vraiment des, après, faut que ce soit calculé. Est-ce qu'on garde les allocs logement, pas, etc. C'est toutes ces choses-là qu'il faut réfléchir. Donc, ce qui fait que ça fait beaucoup de revenus de base différents. Après, le salaire à vie, c'est encore autre chose, puisque on revoit complètement l'organisation de la société. On n'est plus dans les rapports de production classiques, etc. Hein. C'est proposé en général par les communistes. Hein. C'est plus proposé par des gens de gauche que salaire à vie. Et le salaire à vie, justement, c'est après c'est des citoyens qui définissent le salaire, en fait. Par exemple, il prenait comme exemple, si à un moment donné il y a plus de gens qui veulent faire les poubelles, on augmente le salaire des gens qui font les poubelles, et comme ça il y aura d'autres gens, les salaires, ils seront en fonction de la demande et de l'offre. Voilà, ça c'est pour le salaire à vie, après tout ça, c'est ça, c'est qu'après faut savoir de quoi on parle. C'est comme je disais, là vous parlez du revenu de base depuis tout à l'heure, mais il y a une douzaine de différents, même voire plus. Donc de quoi vous parlez, quoi, c'est ça, hein. Les montants, est-ce que vous gardez les allocs, est-ce que vous gardez pareil la sécu, est-ce qu'on garde la sécu, pas, etc. C'est tout ça. Parce que si on supprime, parce qu'il y en a, c'est ça, hein, le revenu de base, il supprime la sécu, il supprime les allocs, il supprime tout, ce qui fait que le mec, il est encore plus dans la galère qu'avant, quoi. Donc c'est tout ça qu'il faut réfléchir, hein. Le revenu de base, c'est pas ça dépend de quoi on parle, c'est pas toujours la panacée, quoi. Moi, je voudrais juste continuer l'argumentation que j'ai eue envers vous et faire une argumentation envers vous. Je préférais la réduction du temps de travail, si, parce que ça réduirait le chômage, au lieu qu'on ait des salariés qui, de base, sont à 35 heures. S'ils étaient, par exemple, j'ai un chiffre au hasard, mais s'ils étaient à 24 heures, par exemple, effectivement, ça permettrait plus d'emplois. Et de deux, je milite pour le plein emploi, entre guillemets, parce que même s'il y avait un revenu de base, pour lequel je suis pour, évidemment, mais j'aimerais quand même avoir une activité pour me dire que je fais quelque chose et que j'apporte quelque chose. C'est pour, en ce sens-là, je préfère le plein emploi, parler de plein emploi plutôt que de revenu de base. Voilà, c'était mon argumentation pour finir sur... Alors là, je serais tout à fait d'accord avec vous à partir du moment où on distingue deux concepts, le travail et l'emploi. Pour moi, quand on parle de l'emploi, en fait, c'est le salariat. Voilà. Alors que le travail, ça peut être en dehors du salariat. Par exemple, là, pour moi, on, d'une certaine façon, on est en train de travailler. On n'est pas payé. Alors que demain, quand j'irai au travail, ou sur mon lieu d'emploi, là, je serai obligé d'y aller, en fait. Et je ne le ferai pas forcément en liberté. Donc pour moi, en fait, l'enjeu du revenu de base, c'est l'idée, pour en venir à la question du néo-esclavagisme, c'est de passer du travail forcé au travail libre. Voilà, pour moi, ça se résume à ça, en fait. C'est que je puisse choisir, comme ça avait été un peu dit avant, choisir ma place dans la société et où je mets mon énergie dans la société. Et qu'on m'oblige pas à faire un travail qui nuit à l'environnement ou qui contribue à, disons, je sais pas, à faire des choses négatives ou qui n'ont pas une valeur sociétale. Et voilà. Bonjour, moi je travaille aussi dans l'éducation, mais je ne suis pas instituteur. C'est dans les écoles maternelles, je suis en congé d'invalidité. Bon, c'est pas un salaire de base, moi j'ai vraiment un salaire de fonctionnaire. Et bon, je préfère mon salaire de fonctionnaire. Je ne veux pas de revenus de base, comme vous dites. Je suis bien comme ça, et parce que j'ai une assurance, bon, je cotise pour la retraite, je cotise pour la sécurité sociale. Bon, il y a de l'argent pour les allocs et tout, ils le retirent sur le salaire et tout. Mais je ne sais pas à quoi ça sert le revenu de base. Je préfère encore mon salaire en tant que fonctionnaire. Voilà, je préfère ça. Je préfère ça, j'ai de la sécurité. Je préfère être en sécurité et être protégé. Et le métier, je l'ai choisi moi-même, hein. Je l'ai pas, c'est pas quelque chose que j'ai pas voulu, c'est moi qui l'ai choisi. Et j'ai été heureuse de l'avoir fait. Voilà. Merci. Bah, moi, souvent, quand on pose la question de qu'est-ce que la politique, bon, il y a plein de gens qui ont leur définition de la politique, hein. Il y en a qui disent c'est quand il y a des gens qui font la révolution, qui sont pas comptés, etc., qui disent « Ouais, nous, on n'est pas comptés, on voudrait être comptés, donc ça, c'est le moment politique. » Le reste, pour certains, c'est de la gestion, enfin, etc. Pour moi, la politique, c'est le partage. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, là, la question qu'on pose, c'est le partage des richesses. Là, ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit depuis des années et des années? On voit que, bon, c'est avec l'automatisation, avec la délocalisation, avec pas mal de choses, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de travail. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui se retrouvent sur la paille, qui se retrouvent dans la rue, qui se retrouvent à dormir dehors, qui se retrouvent avec des chômages de misère ou des RSA de misère. Plein de gens qui se retrouvent dans la pauvreté. Tout ça parce qu'on délocalise, mais parce qu'aussi il y a l'automatisation, comme on disait, il y a l'informatisation. On va vers de moins en moins de travail. Le problème, c'est le partage des richesses. Le problème, là, c'est que les richesses ne sont pas partagées. C'est qu'il y a des gens qui captent toutes les richesses grâce à l'automatisation ou tout ça. Il y en a qui font plein de bénéfices avec l'informatique, avec la délocalisation, etc. Et puis les autres qui se retrouvent dehors, dans la rue, qu'on voit ici, là, hein, qui sont là, qui dorment dehors, qui sont dans la misère, qui crèvent la faim. Il est là, le problème. Le problème, il est dans le partage des richesses. En fait, voilà, il faudrait... Et le travail, c'est pareil. Au lieu qu'on ait des gens qui travaillent et d'autres qui travaillent pas, ben voilà, au contraire, ce serait bien. Les gens, ils auraient du temps de libre, ça leur permettrait de faire de la politique, de venir ici. Voilà, on travaillerait que tant d'heures. Il suffirait de juste. On pourrait tous. Si on partage des richesses, on pourrait tous avoir un petit moment où on travaille, et puis le reste du temps, ben voilà. Le truc, c'est on réduirait les horaires de travail, comme ça, il y aurait moins de gens au chômage, moins de gens dans la rue, etc. En fait, le problème, la question, La question par excellence, c'est le partage des richesses, c'est tout, quoi. C'est ça. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses personnellement. Bonjour. Bonjour à tous. Je voulais juste réagir parce que c'est intéressant. En fait, finalement, ce que monsieur d'abord a décrit, se lever le matin pour faire quelque chose qu'on aime, mais ne pas être forcé, le salariat qui est de côté, qui n'est pas forcément mauvais d'ailleurs. En fait, ça s'appelle être auto-entrepreneur quelque part. Quelque part. Vous vous levez le matin, vous êtes votre propre patron. Peut-être que l'idée peut froisser certains, mais faire ce qu'on aime et en vivre, parce qu'il faut savoir qu'on est obligé d'en en vivre, ça s'appelle être auto-entrepreneur ou chef d'entreprise. Chef d'entreprise qui ne fait pas que de rendre en esclavage ses salariés, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui poussent, qui sont leaders. C'est-à-dire qu'on avance ensemble pour imaginer un peu le tout. Pensez aux Égyptiens, les esclaves égyptiens, et le leader, le chef d'entreprise, c'est celui qui pousse la pierre avec ses employés. Il n'y a pas forcément que la réduction forcément de la qualité de vie des salariés. Et d'abord, et d'ailleurs, il y a une nouvelle, on va dire une nouvelle mode qui apparaît dans le monde de l'entreprise, qui est que les salariés dirigent l'entreprise et non plus le patron qui a créé la boîte. C'est-à-dire que tous les choix stratégiques qui vont être faits sont faits par les employés. Ça vient des États-Unis, ça arrive, c'est dans les grandes écoles, Sciences Po, HEC, voilà, c'est emmené par ces écoles-là. En tout cas, c'est une nouvelle mode. Ensuite, l'automatisation, quelque chose qui me touche un peu, parce que moi je suis informaticien depuis 6 ans maintenant, je suis ingénieur informatique. Ce qui me touche, c'est que forcément, il y a des gens qui se font des sous avec de l'informatique. Mais moi j'aimerais bien qu'on y aille tous ensemble, qu'on crée un nouvel Uber. Parce que Uber, vous voyez-vous, même s'il y a la baisse des taxis, etc., au niveau là, il y a quelque part des emplois qui sont créés, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est une réalité, c'est pas moi qui l'invente. Les sources, il suffit de regarder le nombre d'employés de Uber, il est incroyable. C'est pas moi qui l'invente. Ensuite, sur l'informatique, effectivement, tout le monde ne peut pas faire un Uber. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les capacités. Il faut aussi se savoir faire. Moi, je peux pas être menuisier, par exemple. Je peux pas être bricoleur, vendeur, je sais pas faire. Moi, je sais faire de l'informatique. Mais l'informatisation, l'automatisation n'est pas forcément mauvaise. Effectivement, on part sur des entreprises comme Renault, parce qu'en fait, il faut savoir de quoi on parle. On parle pas des PME de base, on parle pas de la petite entreprise ni de la moyenne. Là, on parle forcément de ceux du CAC 40. J'en ai côtoyé beaucoup, puisque j'ai travaillé, ça a été mes clients. Ces gens-là, par exemple, la loi qui est passée, la loi El Khomri, c'est pas pour la petite PME. C'est pour ces gens-là qui, lorsque ça va être acté, je dis bien pas voté, acté, c'est-à-dire signé, ce sont ces gens-là qui vont voter, qui vont utiliser cette loi pour virer, licencier, faire des plans de licenciement qui sont légaux. D'accord ? Donc là, c'est pas la petite PME. Mais l'informatisation, l'automatisation, en fait, c'est comme une médaille, il y a deux revers. Il y a le côté où ça va créer des emplois, comme Uber par exemple, où G7 d'ailleurs ont amélioré un peu leur service. Parce que qu'est-ce qui se passe avec des Uber, des TripAdvisor, La Fourchette ? C'est que le service client est amélioré. C'est-à-dire que quand vous prenez votre téléphone, vous allez sur TripAdvisor, le magasin là, le McDo qui va être ici par exemple, il va mettre son étiquette TripAdvisor. S'il vous sert mal et que c'est dégueulasse et qu'il est mal poli, vous lui mettez une étoile. Qu'est-ce qui s'est passé avec les taxis ? C'est que les taxis, on le sait tous, et d'ailleurs on a été nommés les plus mauvais taxis au monde, Paris, en France en tout cas, il y avait une mauvaise qualité. Le créateur d'Uber, il a dit, bon bah c'est fini, chacun va faire ça, et ça a amélioré la condition. Comment entrer dans un Uber ? Vous avez une bouteille d'eau, le mec est super réglo, d'ailleurs il ne peut pas vous arnaquer, ça on est d'accord, vu que la course reste la même selon la distance. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et moi je pense que j'ai l'impression qu'on parle en fait depuis tout à l'heure, pas en fait du revenu, qui pourrait être une chose très, très bien et très intéressante. Après, faut-il savoir ce qu'on en fait ? Vous comprenez ? Mais plutôt du mal-être, en fait, justement, qui se traduit dans le monde du travail et sur lequel, en fait, on fait une demande de RSA, de revenu minimum obligatoire. À quoi ça sert ? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que vous avez 600, 800 euros et vous allez rester chez vous et finalement, vous allez aller à Monoprix ? Il va vous rester 300 euros, vous allez mettre dans votre loyer, vous n'aurez plus rien ? Pour moi, ça sert à rien. Mettre un revenu qui permet à un individu de s'épanouir et d'avancer dans sa vie, faire ce qu'il veut vraiment, là c'est intéressant. Donner un revenu, parce que dans notre monde qui est capitaliste, il faut dire qu'il est vrai, on est capitaliste, en tout cas la France l'est. Le revenu est forcément payé par des gens. C'est-à-dire que si vous touchez des sous, de la CAF, des allocations, c'est quelqu'un qui les paye. Notamment nous tous, bien sûr. Parce que vous payez, quand par exemple vous prenez un salarié, il y a des charges patronales, de 1, et en plus, tout ce qui est sécurité sociale, etc. Donc ces gens-là, c'est ça. Et je pense que ce qu'il faudrait mettre en avant, c'est ce salaire-là de base, il faudrait qu'il puisse servir à quelque chose. Mettre en avant le fait que, finalement, c'est pas la vie est belle et je vais courir dans un pré. C'est je l'utilise et je fais ce que je veux. Ça va pas être de l'informatique, ça va pas être de la menuiserie, je vais faire de la poterie. Mais en tout cas, je vais faire ce que j'aime. Et ça me permet de m'épanouir. Je pense que c'est la chose qu'il faut mettre en avant. Voilà. Merci. Bonjour. Moi, je voulais juste réagir par rapport à... Encore à vous. Décidément, on va faire un débat ce soir, mais... Juste, j'ai oublié de préciser, du coup, c'est les deux derniers tours de parole, on va arrêter. Mais d'accord, il a pris la parole après, donc... Quand même, qui a levé deux fois la main. Oui. Par rapport à l'informatisation et l'automatisation, contrairement à vous, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que l'automatisation, la robotisation, l'informatisation, peu importe comment on l'appelle, ne fait que remplacer des métiers qui, à la base, sont difficiles. Et je pense qu'en fait, en alliant tout ce qui est technologie, en appliquant, bon évidemment, c'est une utopie, mais la réduction du temps de travail, à ce moment-là, on arriverait à ce que vous voudrez, c'est-à-dire que des emplois à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire intéressantes intellectuellement, et non pas des métiers qui sont seulement manuels, difficiles et inintéressants intellectuellement. Donc je pense que justement, c'est l'automatisation, l'informatisation qui nous permettra plus tard d'avoir que des métiers intéressants intellectuellement. Et je pense que les deux, justement, sont combinables et désirables. Moi, du coup, tu auras le mot de la fin. Là, encore une fois, on tombe tout à fait d'accord, dans le sens où... Alors, par contre, là où je suis pas d'accord, c'est quand vous m'avez décrit comme étant opposé à l'automatisation. Alors, j'ai certainement du mal à m'exprimer, parce que moi, c'est tout le contraire, en fait. En fait, moi, je pense que pour en revenir à l'idée de néo-esclavagisme, parce que l'automatisation est c'est un bienfait, parce que ça va précisément nous permettre de nous libérer. Voilà. Et l'enjeu, justement, c'est que moi, je vois deux hypothèses dans l'avenir, par rapport à la question de l'automatisation. C'est la question des gains de productivité. C'est qui va bénéficier des gains de productivité rendus possibles par l'informatisation, la numérisation, etc. Alors, soit on va vers un anarcho-capitalisme, où il n'y aura plus d'État, où tous ces gains de productivité vont être captés par ce qu'on appelle les actionnaires des multinationales. Donc là, il n'y aura plus d'État, il y aura une super classe hyper bourgeoise, et tout le reste, ce sera des esclaves, en fait. Hein. Ou alors, deuxième hypothèse, tous ces gains de productivité qui vont être rendus possibles par ce que vous expliquez, la numérisation, vont permettre justement de financer ce fameux revenu de base pour le reverser justement à la collectivité et qu'il ne bénéficie pas simplement à une minorité, voilà, et qu'on puisse à la fois pouvoir choisir de travailler ou de ne pas travailler, et de cette façon, tout ce que vous défendez, vous pouvez le faire tranquillement. Sans problème. Et la théorie de Schumpeter qui parle de destruction créatrice en disant que finalement Uber détruit les emplois mais en crée en même temps, on voit que le différentiel est quand même n'est pas équitable. Il en crée moins qu'il en détruit. C'est ce qu'on constate. Et d'autre part, l'hypothèse selon laquelle le revenu de base désinciterait les gens à avoir des activités et les inciterait à l'oisiveté, on voit que... Ouais, vous n'avez pas dit ça, mais pour ceux qui pourraient le penser, des études ont démontré que c'est totalement faux. Et que factuellement, là où on a expérimenté le revenu de base, au contraire, les gens étaient actifs, mais dans des, disons, dans des activités qui étaient d'utilité sociale ou artistique. Voilà. Un dernier mot. Oui, bémol de la fin sur l'automatisation. Bah, on oublie que ça nous rend, tout plus fragile. Enfin, c'est-à-dire, on est beaucoup plus dépendant de l'électricité. S'il y a la moindre panne, on est tous dans la merde noire et que ça constitue une pollution phénoménale. Les ordinateurs, toute cette technologie, c'est une pollution monstrueuse. Voilà, donc bémol de la fin sur l'automatisation. Merci beaucoup d'avoir participé du coup au débat, c'était très intéressant. Du coup, on a fini la journée pour aujourd'hui. On est là demain sur la place à partir de 15h. On fait une journée thématique donc sur se connaître et faire ensemble. Donc on vous invite tous à venir, ça va être un peu spécial, mais on va faire des ateliers, des petites choses, voilà. Demain, viendez, voilà. Sinon, on est là tous les donc vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, on fait un atelier en ce moment sur une très longue durée. Atelier, le thème c'est quelle société veut-on ? Donc on est sur, ça va durer des années. Donc, et donc on fait c'est par thème. Là, on est encore sur le rap bien vivre ensemble. Voilà. Ouais, on est là donc de 15h à 19h tous les week-ends. Et merci encore d'avoir été là. Et bonne soirée.